Le tour du monde pour 3 francs par Louis Ulbach. Ceci n'est pas un conte. C'est une histoire vraie, si vraie que j'ai été séduit par son authenticité même et que j'ai pensé qu'en relatant simplement, sans le moindre épisode inventé, sans la moindre mise en scène, je communiquerai mon émotion au lecteur. Une leçon se dégage d'ailleurs de ce récit excentrique, de ce document humain. C'est qu'avec une volonté robuste et une intelligence toujours alerte, il n'y a pas d'obstacle qu'on ne puisse renverser ou au moins contourner. La volonté et l'intelligence ne sont pas de nos jours des qualités assez communes, pour qu'il soit superflu de les recommander. Jean de C., un homme instruit, trop avide d'apprendre, s'ennuyait à Paris. Il n'y trouva aucun emploi à sa convenance parce qu'aucun emploi ne lui eut offert de difficultés à vaincre. Il n'avait de vocation pour aucun métier, estimant que tous les métiers rapetissent les hommes et qu'à leur tour les hommes rapetissent les métiers. Il avait été riche, était blasé sur les douceurs de la fortune et aussi sur les âpres délices de la ruine. Il s'était un peu amusé à disputer les derniers débris de son bien. Quand il fut à sec, littéralement à sec, ne voulant pas emprunter à sa famille pour s'en faire mépriser, ni à ses amis pour s'en faire des ennemis, il résolut de voyager. « Où iras-tu ? » lui demandèrent les spectateurs intimes de sa vie, qui, le sachant discret et incapable de recourir à leur bourse, s'intéressaient à ses excentricités. « Pour commencer, je vais faire le tour du monde, après je verrai. » « Ah, s'il te reste le moyen de te payer cette fantaisie, le moyen je le trouverai. » Il n'est pas possible qu'un homme d'esprit et de volonté ne rencontre pas, dans un pareil voyage, assez d'imbéciles pour vivre. Je ne suis pas embarrassé que, pour aller d'ici au Havre, la France est si peu pittoresque. J'obtiendrai de la Compagnie de l'Ouest un permis à ton nom, dit un camarade attaché à une rédaction de journal et empressé à rendre un service qui ne coûtait rien. Tu me tentes. Mais ce serait une faveur, je refuse. Je veux gagner mon voyage, j'irai à pied. Comme il tapait sur ses goussets, on osa lui demander « Combien as-tu en poche ? Je vous le dirai demain, quand j'aurai fait mes emplettes. » Les emplettes se bornèrent à une paire de chaussures solides, à une canne et un sac, dans lequel il y avait plus de pain que d'habits de rechange, et le lendemain, le sac au dos, Jean disait à ses amis en leur montrant le fond de sa bourse « Voilà ce qui me reste, 12 francs !»« Tu es fou !» s'écrièrent en chœur et avec un peu de cœur les amis terrifiés de son imprudence. « Ceux qui passent pour fous, reprit le philosophe, sont souvent des sages entêtés de logique. Je vais parmi les hommes, je leur serai assez utile pour qu'ils me soient productifs. » On a beau être philosophe, quand on est parisien, on a toujours un peu de badauderie sentimentale, et au moment de quitter des amis qui ne l'aimaient guère, mais qui l'amusaient, des camarades qui se moquaient de lui pour n'être pas devancés par lui en dédain, Jean de C., ressentit un attendrissement auquel il ne voulut pas résister. Ce serait sa dernière faiblesse, avant de faire la preuve de sa force, son dernier hommage à sa patrie. De leur côté, ses amis et ses camarades, voulant avoir un petit rôle dans l'originalité de ce départ pour le tour du monde, proposèrent de l'accompagner jusqu'à Rouen et de lui abréger ce prologue insipide du voyage dans un pays de banlieue qu'il connaissait. Il accepta, sans façon, voulant mettre leur vanité à l'aise, sans les ruiner. Il se laissa payer sa place. Mais à Rouen, il leur dit adieu et fit à pied les 90 kilomètres qui restaient à faire sans coucher autrement qu'à la Belle Étoile, sans rien manger que les provisions de son sac et sans boire autre chose que de l'eau. Arrivé au Havre, il ne perd pas son temps. Il va trouver le capitaine d'un navire américain prêt à partir, lui demande hardiment son droit de passage en retour de menus services qui pouvaient s'étendre depuis la comptabilité jusqu'à l'exercice du piano, étourdit le marin par son aplomb, le séduit par l'audace de sa franchise et part enfin, gratis, sans avoir entamé ses 12 francs autrement que pour acheter, sur le quai d'embarquement, une rose de 10 centimes qu'il offre à une jeune américaine dont il a résolu de faire la dame de ses chastes pensées pendant le voyage. Il fut fort aimable pendant la traversée. Débarqué à New York, il dit adieu à l'américaine, comme un rêve perdu, remercia le capitaine qui faillit lui briser les mains d'émotion et qui lui donna des lettres de recommandation, puis, fier de cette première étape, il frappa le trottoir de son pied et se jura d'avoir un gîte à dîner pour ce soir même, sans avoir à mendier ni à dépenser 11 francs 90 centimes. Il n'avait plus d'ailleurs de rose à acheter. Son ex-voto lui avait porté bonheur, le renouvelé s'était douté de son étoile. Le jour même, il entra dans une pension pour y donner des leçons de français et aussi pour se perfectionner dans la langue anglaise. J'ai oublié de dire qu'il parlait assez bien l'espagnol et l'italien. Au bout de 8 jours, il avait une clientèle et pouvait s'approvisionner de faux cols et de manchettes en papier. Bien résolu à ne s'affadir par aucune note, par aucune impression de voyage, ce fut le seul papier qui lui parut indispensable. Après quelques semaines, notre voyageur quittait New York avec assez d'argent pour se transporter à San Francisco. Il formait de grands projets pour ce centre d'activité. Mais la nature sournoise voulait ajouter à ses épreuves. À Francisco, il tomba sérieusement malade, dépensa tout son argent à lutter contre la fièvre et, presque vaincu, se fit transporter à l'hôpital, s'abandonnant pour un temps aux médecins, sans abandonner sa résolution de vivre et de continuer son voyage. Sa volonté le guérit contre l'avis des médecins. Pendant sa convalescence à l'hôpital, devenu pour lui son lieu de méditation, il se lia, dans la chambrée, avec un autre convalescent, le second d'un navire américain transportant des voyageurs à Yokohama. Il se fit engager, grâce à cet ami d'hôpital, comme chef du personnel non marin, sur le bateau. Il avait tant de verve et il demandait si peu d'argent qu'on était toujours tenté d'exploiter ses services. Voilà Jean de C au Japon. Il se présente à un hôtel français et offre de payer son entretien par les fonctions d'interprète parlant 4 langues. On l'accepte, il acclimate les étrangers de passage, il réussit auprès de tout le monde et comme il sert d'intermédiaire entre des négociants japonais, les premiers négociants du monde, et des commissaires italiens, il gagne en peu de temps une somme si ronde qu'elle le rend honteux. Il ne veut pas thésauriser et s'embarque pour Hong Kong. Là, il est accepté dans un cercle de résidents anglais comme secrétaire du gérant. Il se souvient que dans sa jeunesse, il a été un joueur de billard distingué dans le quartier latin. Il organise des parties, des poules, des paris et gagne, presque malgré lui, un match important. La peur de s'enrichir et de s'arrêter en route le prend. Il profite d'une occasion excellente pour aller à Calcutta. La traversée coûte cher et devient ruineuse pour notre voyageur. À la suite de relâches nombreux occasionnés par le mauvais temps, par le mauvais état du bateau, sans compter les mœurs inhospitalières des gens chez lesquels on est obligé de faire escale. En arrivant à Calcutta, Jean de C se trouve encore sans un sou dans sa poche. Il flâne, rêveur, dans la capitale du Bengale, se demandant si le doux climat suffira à le nourrir. En passant devant le plus bel hôtel de la ville, il entre, comme pour choisir une chambre, et pendant qu'on va chercher le principal employé, occupé à faire la sieste, il pénètre dans le salon des voyageurs et remarque une belle exposition de photographies qui trouvait plus d'admirateurs que d'acheteurs, en jugé par la couleur jaune du papier, par la flétrissure des étiquettes et par les insultes des mouches indiennes. Le sentiment artistique de notre philosophe se révolte. Ces photographies sont fort belles. Seulement, l'indifférence des gens de l'hôtel et l'indolence du photographe ne leur assure pas le débit convenable. Avant de retenir une chambre, Jean de C demande l'adresse du photographe, va le trouver, lui fait des reproches de son incurie et lui offre, moyennant une remise honorable, de placer ses vues admirables de Calcutta parmi les voyageurs qui font escale pendant 24 ou 48 heures, au plus, dans cette capitale, et qui, n'ayant pas le temps de se blaser sur le paysage, doivent être tentés d'en emporter l'impression pour la savourer en route et pour la transmettre à ceux qui attendent le récit. Le photographe qui végétait en reproduisant cette végétation splendide accepte avec empressement et loge son commis. Jean de C se met immédiatement en route. Il court les hôtels, il guette les arrivants, il monte sur les bateaux et un peu de jour débite si bien la marchandise, jusque-là improductive, que l'usinier du soleil, enthousiasmé, lui offre de l'associer de faire fortune avec lui. Notre philosophe n'était pas homme à se laisser enchaîner par la fortune. Il prend le bénéfice qu'il croit légitime et qui lui est nécessaire pour continuer son chemin. Puis il se met en route, traverse l'Inde et arrive à Bombay. Là, il découvre très vite que les Allemands ont monopolisé le trafic des vins français et qu'ils débitent, avec des étiquettes flamboyantes, d'infâmes produits faits pour déshonorer la France. On aime tant la patrie quand on est si loin que notre philosophe devient d'un chauvinisme furibond. Il s'installe hardiment comme courtier interprète des vins français authentiques. Il n'avait pas un seul échantillon, mais il fait si bien qu'il en découvre dans des dépôts obscurs qu'il ne pouvait soutenir la concurrence contre les drogues débitées par les buveurs de bière. En peu de jours, il relève le commerce des honnêtes gens, fait une publicité éclatante autour d'une maison où il entre comme caissier, ébauche une sorte de revanche commerciale, achalande le dépôt de son patron à demi-ruiné, fait pour le soleil en fusion de la France ce qu'il avait fait à Calcutta pour les produits directs du soleil indien, et son œuvre accomplie se fait confier, moitié à crédit, moitié comptant, une petite pacotille de produits indiens à écouler en Égypte, puis il part pour le Caire. Au Caire, il vend aisément les marchandises, liquide son compte avec les maisons de Bombay, se donne le luxe de quelques excursions scientifiques, assiste à la découverte d'une momie de femme, dans les doigts de laquelle il trouve quelque chose qui ressemble à une fleur, s'imagine que c'est la rose qu'il a donnée à l'américaine, restituée par une beauté séchée depuis plusieurs milliers d'années, d'a regarder les 40 siècles qui ont donné la berlue aux soldats de Bonaparte, compare la locomotion du chameau à celle de l'éléphant, garde tout juste de ses opérations commerciales ce qui lui est nécessaire pour payer son retour à Marseille ainsi que le chemin de fer de Lyon, s'embarque sur un paquebot des messageries et rentre triomphant à Paris où une lettre d'avis l'avait précédé. Ses amis l'attendaient à la gare. En le voyant avec une si bonne mine et un teint si doré, ils ne doutèrent pas qu'il avait fait fortune. « Eh bien, lui demandèrent-ils, où est ton million ?» Jean de C sourit et haussa les épaules. « Mes millions sont là, » dit-il en se frappant le front. « J'avais 12 francs quand je me suis embarqué au Havre. Voici ce que je rapporte. » Il tira de son gousset 9 francs. C'était la fin des fortunes ébauchées en route. En réalité, le tour du monde ne lui avait coûté que 3 francs, mais il avait appris tant de choses. Je regattais cette histoire absolument véridique en l'amplifiant, mais on pourrait en faire une épopée. Il lui manque la démonstration théorique, mathématique et fantaisiste de Jules Verne pour devenir invraisemblable. Sait-on pourquoi je ne me fais pas scrupule de la raconter bien que le héros soit vivant? C'est qu'il est reparti depuis plusieurs mois pour un autre tour du monde, dans un autre sens, en diagonale, et qu'il ne me lira pas dans la mer d'Islande. Combien cette fois a-t-il emporté? Je n'oserais affirmer qu'il ait fait provision de 100 francs, malgré les instances de ses amis et l'expérience de son premier voyage. C'était Le Tour du Monde pour 3 francs, par Louis Ulbach.